بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الله عز وجل aujourd'hui c'est la les deux séances sont réservées à la risale, à l'interprétation de la risale de son éminent cheikh Abd Aziz ibn Abdillah ibn Baz رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته. الدروس المهمة لعامة الأمة، les cours importantes pour le général et pour le commun de la communauté. Ici, Allah Azza wa Jalla, nous avons dit s'ils sont importants pour le commun de la communauté, ils sont aussi importants pour le demandeur de science, pour qu'il maîtrise ces choses et ces bases qu'il y a dans cette risala. Et Cheikh Rahmatullah Alayh a commencé cette risala par le fait de conseiller aux prêcheurs, aux imams et aux enseignants d'apprendre aux gens un certain nombre de versets, comme le Fatiha, et aussi à partir de la sourate qui est appelée Zelzala. L'apprendre aux gens, leur enseigner les règles et que les gens puissent bien les lire, bien et aussi les comprendre et les mémoriser, hein. Et ceci est très important, c'est un noble conseil de la part de Cheikh Hafidhahullah Ta'ala. Al-Fatiha et du tremblement de terre jusqu'à Sourate An-Nas. Et nous avons vu la dernière fois l'interprétation de Sourate Al-Fatiha ainsi que l'interprétation de la Sourate du tremblement de terre. Il reste quelques points à retenir dans Sourate Al-Fatiha, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a des points à retenir. Il faut savoir une chose très importante, frère en Allah, Azza wa Jal, avant tout avec le Coran, qu'il ne sied pas un demandeur de science de délaisser le fait d'apprendre le Coran et de lire les livres de l'interprétation du Coran d'Ipuzayr d'Allah Alim. Il faut ne plus ayr d'Allah Alim. Leur situation avec le Coran, c'est qu'ils mémorisaient chaque jour dix versets. Et il les comprenait, il mettait en application ce qu'il y avait dans le verset. Et donc, c'est une voie à suivre. Ça ne sied pas à un demandeur de science, hein, de délaisser le Coran, de ne pas apprendre un peu du Coran, petit à petit, jour après jour. Il faut être dans le juste milieu. Le juste milieu, c'est la voie sur laquelle étaient nos pieux, Zayyur et Dwanullah alayhim. Ils n'étaient pas comme le Khawarij à l'extrême, qui mémorisaient le Coran sans le comprendre, et qui perfectionnaient sa lecture sans le comprendre, et non pas aussi dans la situation de ceux qui sont laxistes, hein. Et donc, nous devons être dans le juste milieu et dans, à tous les niveaux. Le juste milieu pour nous, c'est la voie sur laquelle étaient les pieux ayyur Ridwanullah alayhim. Et alors, peut-être les nobles compagnons Ridwanullah alayhim et ceux qui les suivent à la perfection. Et ce qu'on doit retenir, certains points qu'on doit retenir de Sourate Al-Fatiha, frère en Allah, Azza wa Jal, c'est premièrement, Sourate Al-Fatiha, c'est l'un des piliers de la prière. Alors, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas lu avec Sourate Al-Fatiha. Deuxièmement, c'est que la Sourate Al-Fatiha contient tous les points sur lesquels les pieux ayyur Ridwanullah alayhim sont unanimes. Et les imams de la science sont unanimes, hein, en ce qui concerne des points qui concernent les règles, qui concernent la foi, en ce qui concerne les noms d'Allah, ses attributs. Et que les pieux, Ridwanullah alayhim, confirment Allah subhanahu wa ta'ala et affirment Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est confirmé lui-même, ce qu'il s'est donné lui-même. Et ils, hein, font la négation, hein, d'attributs. Il n'attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il ne s'est pas attribué lui-même. Hein? Et il lui attribue aussi ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué. Il lui attribue aucun attribut que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas attribué. Et tout ceci sans déformer les sens, sans leur donner une autre signification, sans dépouiller le sens de l'attribut, sans chercher de similitude, sans faire d'exemple à Allah subhanahu wa ta'ala, et sans chercher le comment de l'attribut d'Allah. Il croit en tout attribut qui est venu dans le Coran, comme il sied à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il en règle dans tout ça, rien ne lui ressemble, et il est celui qui entend et celui qui voit. Aussi, ce surat contient la signification de l'adoration. Et la signification de l'adoration, comme il a dit Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, c'est un nom général qui, dans lequel est contenu tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée parmi les apparents, parmi les paroles et les actes, qu'ils soient les paroles extérieures et actes extérieurs ou les paroles d'intérieur, c'est-à-dire les paroles du cœur ou les actes du cœur. Ça, tout acte que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, qu'il soit un acte du cœur ou un acte des membres, du moment que Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, c'est une adoration. Et dans le sens contraire, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, il n'agrée pas. Ce n'est pas un acte d'adoration à l'islam. Le quatrième point à retenir dans surat al-Fatiha, c'est qu'il est obligatoire aux musulmans de se rappeler le jour de la rétribution, le jour des comptes, le jour de la récompense et du châtiment qui est le jour de la résurrection. Il ne faut pas l'oublier, car le fait de ne pas oublier ce jour aide l'être humain à accomplir les obéissances et à s'éloigner de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Aussi, il est contenu dans surat al-Fatiha que l'adoration compte s'immisce dedans l'associationnisme et devient nul. Et dans surat al-Fatiha, il contenu aussi, il y a dedans les preuves de trois formes de monothéisme. Le monothéisme de la seigneurie, et tu le trouves dans le souverain des mondes, Rabb al-Alamin. Le monothéisme de l'adoration, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et tu le trouves dans « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in »« Toi seul nous adorons et auprès de toi seul nous cherchons aide. » Et il y a aussi dans cette phrase, la réplique aux qadaristes et aux jabrites. Car l'adoration de l'être humain ne peut être qu'avec décrété min Allah Azza wa Jal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accomplit les gens à l'adorer. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décrète l'égarement de celui-là parce qu'il le mérite. Il lui est guidé de celui-là parce que il est digne d'être sur la voie de la guider. Et non pas comme disent les qadaristes qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas ce que font les gens jusqu'à ce qu'ils le fassent. Et non pas comme disent les jabrites que l'être humain il est obligé de faire. Que c'est en dehors de sa volonté. Abadan. Et tout ceci est contenu dans surat al-Fatiha. Et contenu aussi dedans le monothéisme des noms et des attributs d'Allah, qui est le fait de confirmer à Allah subhanahu wa ta'ala les nobles attributs et les attributs les plus parfaits et qui sont au summum du parfait qu'il s'est attribué lui-même et que son messager alayhi salam lui a attribué. Prouve ce monothéisme des noms et des attributs Ar-Rahman Ar-Rahim, le clément, le très miséricordieux. Et aussi dans cette sourate Al-Fatiha contient la confirmation de la prophétie, quand on dit guide-nous sur la voie droite. C'est quoi cette voie droite? C'est la voie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala comble de ses bienfaits, qui sont qui? Les prophètes. Donc, dans cette sourate, les hommes de science disent qu'il contient aussi la confirmation de la prophétie et de l'envoi des messagers, alayhi salatu salam. Et dans cette sourate, il confirme aussi le jour de la rétribution, Malik Yawm al-Din, le roi des jours de la rétribution, où il y aura la récompense pour les actes. Et aussi dans cette sourate, il contient le fait, la confirmation de destin. Il la réplique aux gens de l'innovation et de l'égarement. Et ceci est dans le fait, guide-nous sur la voie droite. Et la voie droite, c'est le fait de connaître la vérité et de mettre en application la vérité. Et celui qui mérite la guider, Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Et celui qui ne le mérite pas, Allah subhanahu wa ta'ala l'égare. Il contient aussi le fait d'accomplir la religion sincèrement pour Allah et l'adoration sincèrement par Allah. Quand on dit toi seul, nous adorons et auprès de toi seul, nous cherchons aide. Et après surat al-Fatiha, nous avons vu surat Zelzala, le tremblement. Et nous avons vu son interpellation, il ne reste à voir les points à retenir de cette surat qui sont très importants. Dans cette sourate, le tremblement, il y a la confirmation de la croyance sur le jour de la résurrection et des récompenses et du châtiment. Donc ce jour, cette sourate nous confirme cette croyance que nous devons avoir, comme quoi il y a résurrection, il y a rétribution, il y a les comptes, il y a la rétribution, soit châtiment, soit à l'édilice. Les plus sublimes récompenses de Allah, Azza wa Jal. Deuxièmement, il nous annonce cet énorme changement qui va y avoir, cet énorme bouleversement qui va y avoir, ce tremblement de terre qui n'a pas d'égal. Et dans cette sourate, on retient aussi que l'inanimé parle. Et ça fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui prouve la puissance d'Allah et la science parfaite et complète d'Allah subhanahu wa ta'ala et la perfection complète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci implique de notre part le fait de lui vouer le culte exclusivement sans lui faire d'associer. Il y a aussi dans cette sourate, il confirme le hadith authentique, il confirme ce qu'il y a dans le hadith authentique, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec une moitié de date. Et dans la verset, il dit, celui qui œuvre, hein, une œuvre de bien, un atome d'œuvre de bien, il le verra. Il y a aussi dans cette sourate, disent les hommes de science, que le mécréant, pour ses bonnes œuvres ici, il en profite dans ce bas monde, et pas dans l'au-delà. Le mécréant profite de ses bonnes œuvres ici dans ce bas monde, et non pas dans l'au-delà. Et aussi dedans, disent les hommes de science, que le croyant pour ses bonnes œuvres, ils lui sont réservés dans l'au-delà. Et pour ses péchés, etc., peut-être qu'il sera éprouvé ici pour ses péchés, pour qu'il arrive propre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et maintenant avec la sourate qui suit, qui est sourate l'Adiyat. L'Adiyat qui veut dire les chevaux des combattants sur le sentier du combat, sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a appelé l'Adiyat parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait le serment au début de cette sourate par Wal-Adiyat Dabhan. Il-Adiyat, comme j'ai dit, comme on dit les hommes de science, ce sont les chevaux des combattants qui vont très vite à l'encontre de l'ennemi. Et il y a un rapport avec cette sourate et celle qu'avant. Il y a un rapport avec l'Adiyat et avec la sourate des tremblements. Car dans sourate le tremblement, la terre part les sources qu'il y a dans son ventre. Il en est de même dans l'Adiyat. Ida bu'tila ma fi al-qubur. C'est-à-dire, quand les tombes sortiront ce qu'il y a à leur intérieur, tout ce qu'il y a dans les tombes va sortir. Et dans le tremblement, la fin de la sourate, le tremblement a été conclu par le fait de montrer la récompense sur le bien et sur le mal, et le châtiment contre le mal. L'Adiyat, la même chose, a été conclue à la fin sur le bien et le mal. Inna rabbahum bihim yawma idin lakhabir. Ça veut dire, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala les récompensera pour le bien qu'ils ont fait, et il les châtiera pour le mal qu'ils ont fait. والعاديات ضبحا, ça veut dire les chevaux de combat, quand ils courent fortement, quand ils courent de toute leur force. Et dans ces cas-là, idabhan, c'est la respiration qui émane du cheval quand il court très vite. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا, الموريات, c'est ce claquement des pieds, cette rencontre des pieds, des fers à cheval sur les pierres au moment où il court. Cette rencontre forte au moment de courir qui fait un éclat. Qadhan, c'est cet éclat de lumière, cet éclat de feu qui émane quand le fer à cheval rencontre la pierre par terre, tellement il court vite, et c'est le fait de sortir à la pierre, il y a une étincelle de feu qui émane. Falmughirati subhan, c'est-à-dire celle qui attaque à l'aube. Celle qui attaque à l'aube. Et en général, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il veut attaquer quelque part, il attend jusqu'à l'aube. Et s'il entend que l'adhan est fait dans ce village ou de cet endroit, il n'attaque pas. Et ainsi, il l'enseignait aussi, il l'ordonnait aussi au messager qu'il envoyait, alayhi salatu wassalam. Fa'atarna bihi naq'an, ça veut dire qu'au moment où ses chevaux courent très vite, il lève de la poussière au milieu des ennemis. Il lève la poussière. Au moment où il les attaque, où il court très vite, ça lève la poussière, il y a cette étincelle de feu, il y a aussi la poussière. Inna l'insana li rabbihi lakanud. Aïe, ça veut dire que l'être humain, il prive le bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne reconnaît pas le bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de sa sainte miséricorde, ne reconnaissent pas, privent du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala autrui, et en même temps, ils ne reconnaissent pas le bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit le Hassan al-Basri, le kanoud, c'est celui qui parle que des catastrophes et du mal qu'il subit, mais qui oublie les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. Aïe, l'être humain, il est témoin sur le fait de ne pas reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il reconnaît aussi comme quoi, qu'il a ce défaut qui est le fait de priver les autres du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il tombe dans l'avarisme. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ. Aïe, que l'être humain aime bien l'argent. Il aime trop l'argent et il devient avare par cet amour de l'argent. Afala ya'lamu idha bu'tira ma fi al-qubur, c'est-à-dire, ne sait-il pas compte tout ce qu'il va y avoir dans les tombes parmi les morts vont sortir, c'est-à-dire le jour de la résurrection, wa husila ma fi as-sudur, et ce qu'il y avait dans les poitrines et dans les cœurs, combien va apparaître. Et la réalité va apparaître, cette réalité qui était cachée va être divulguée, il va être connue. Inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir. Ce jour-là, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tous deux, les actes apparents et les actes cachés, il va les récompenser, chacun selon ce qu'il mérite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de toute façon, il connaît tout de nous avant qu'on existe. Tout est dans le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sens général de ce verset, tu vois que ce verset, comme disent les hommes de science, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par faire le serment avec les chevaux du combat, sur le sentier du combat. Car les chevaux ont des caractères et des caractéristiques qui sont louables, que d'autres bêtes n'ont pas. Il a été rapporté authentiquement du prophète que le bien se trouve en avant, c'est-à-dire dans le front des chevaux jusqu'au jour de la résurrection. Et parce que les chevaux, c'est un moyen de la bataille chez les Arabes. Et il avait une grande place dans le cœur, dans la vie des croyants. C'est pour ça qu'il est demandé aux croyants de s'en occuper et de savoir les monter, comme il est dans la sunna du prophète, et de s'entraîner dessus pour le combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'avoir des chevaux pour un noble but est louable aussi. Et comme tout serment il doit avoir une réponse, la réponse de ce serment ici, c'est de nous montrer la nature de l'être humain, comme quoi, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala couvre de ses saintes miséricordes, ne reconnaissent pas les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas reconnaissants vis-à-vis du clément qui les a comblés de ses bienfaits. Et peut-être, cette non-reconnaissance va l'amener au fait de ne pas être dévoué pour Allah, et de donner le dos aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ça, Il y a le fait que le musulman, le croyant, doit faire attention, il doit faire des efforts sur lui-même. Et dans cette sourate, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ce bas monde. Hein? Et ce qu'il y a dans l'au-delà aussi, ce qui nous attend dans l'au-delà. Et que nous devons accourir vers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons nous éloigner de la désobéissance et du mal et de la turpitude. Dans cette sourate, il y a aussi le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre comment l'être humain il aime trop l'argent. Et cet amour de l'argent le pousse à être avare et à ne pas dépenser. Et tu trouves que l'être humain fait beaucoup d'efforts en oubliant les obligations de Allah subhanahu wa ta'ala pour acquérir cette fortune et cet argent. Et tu le vois courir derrière ce bas monde et donner le dos à l'au-delà, oubliant les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et oublions aussi les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala dont les bienfaits par lesquels il l'a comblé. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets, il y a des avertissements pour celui qui s'égare et pour celui qui a ses caractéristiques et pour celui qui n'est pas reconnaissant et qui n'est pas doué d'un noble comportement, etc. Et dans ce tourate, il y a aussi le fait, est-ce que celui qui n'est pas reconnaissant et qui ne reconnaît pas les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui oublie les ordres d'Allah et ses interdits, est-ce qu'il ne sait pas que demain il va sortir de sa tombe et demain il va être devant Allah subhanahu wa ta'ala, ses intentions seront divulguées, ses résolutions, son bien, son mal, et Allah subhanahu wa ta'ala sait tout de toutes les situations de tout un chacun de nous. Rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Rien. Et ce jour-là, le jour de la résurrection, les gens, tout un chacun sera récompensé ou châtié. Et ça doit nous pousser, frère en Allah, Azza wa Jal, à ce que l'amour de l'argent et de la fortune ne nous éloigne pas du fait d'être reconnaissant vis-à-vis de notre souverain et du fait d'accomplir l'adoration comme il se doit pour Allah subhanahu wa ta'ala et le fait d'accomplir les œuvres pour l'au-delà, pour les trouver dans l'au-delà. Et bien sûr, il y a des points à retenir dans surat. L'Adiyat. Premièrement, c'est que ça incite au combat sur le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il faut s'y préparer, qu'il faut se doter du moyen. Bien sûr, le combat sur le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas tout un chacun, il prend son arme et il sort, il dit je vais combattre. Abadan, il a ses conditions. C'est une adoration. Et comme toute adoration, il a ses conditions. Et il a des choses qu'il ne faut pas faire, etc. L'obo, il a ses conditions. La prière, il a ses conditions. Tout acte d'adoration a ses conditions. Les œuvres, pour être acceptées, ils ont leurs conditions. La sincérité, le suivi, ainsi de suite. Il en est de même pour cette noble adoration qui est le combat sur le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala. Il a ses conditions. C'est pas aux gens de faire comme ils veulent. Et décréter le combat comme ils veulent. Abadan. Deuxièmement, dans ce verset, nous montre la réalité de l'être humain, comme quoi l'être humain, sauf ceux qui ont cru qu'ils font les bonnes œuvres, sont l'être humain est ingrat vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en général, il se rappelle des catastrophes et du malheur qu'il subit, et il oublie les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf bien sûr ceux qui croient en Allah, qui font les bonnes œuvres et qui se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala et qui lui sont soumis. Et aussi dans cette sourate, il nous montre cette nature sur laquelle est créé l'être humain au fait d'aimer l'argent, d'un amour très fort. Et dans cette sourate, il y a le fait que la personne doit se purifier avec la foi, avec les bonnes œuvres et avec le fait de dépenser de sa fortune pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que l'amour de l'argent et le fait de tenir à l'argent ne doit pas passer devant les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'aller chercher la fortune qui est autorisée ne doit pas être au détriment de ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous et des obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Il y a aussi dans cette sourate la confirmation de la croyance du jour de la résurrection et des comptes aussi. Et après la sourate l'Adiyat, il y a l'Qari'a. Celle qui frappe de peur. Al-Qari'a ou Al-Qari'a. Il a été appelé Al-Qari'a parce que la sourate commence avec Al-Qari'a ou Al-Qari'a. Commence avec pour faire peur les événements qu'il va y avoir le jour de la résurrection. Al-Qari'a, c'est l'un des noms de Al-Qiyama. Al-Qari'a, c'est quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui. Des événements qui vont frapper les cœurs de personnes, que les gens vont avoir peur. Hein? Et les noms d'Al-Qiyama de la résurrection sont nombreux. Al-Haqqa, celle qui va arriver. Al-Rashiya, celle qui couvre. Al-Qari'a et d'autres. Al-Qari'a qui frappe les cœurs de peur. Et il y a un rapport entre cette sourate et la sourate auparavant qui est l'Adiyat. La sourate l'Adiyat a été terminée par la description du jour de la résurrection quand il est dit dans le verset أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْتِلَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Ne sait-il pas quand les tombes vont sortir ce qu'il y a dedans et ce qu'il y a dans les poitrines, dans les cœurs va être connu et que leur souverain ce jour-là il sait tout d'eux. Vient après cette sourate l'Adiyat directement la sourate l'Qari'a qui nous parle de la résurrection et qui nous donne une description forte, une description qui fait peur du jour de la résurrection. Cette sourate, il est une des sourates mécoises et le sujet de cette sourate l'Qari'a c'est de nous connaître certains aspects qui font peur du jour de la résurrection. Il nous montre aussi que les gens, le jour de la résurrection, sont deux groupes. Ils sont divisés par rapport à leurs œuvres qu'ils ont faites dans ce bas monde. Et il y a les heureux parmi eux, et il y a les malheureux. Il y aura ce jour-là ceux qui sont heureux et ceux qui sont, ils seront malheureux. Al-Qari'a fait partie des noms, comme j'ai dit, du jour de la résurrection. Parce que il frappe les cœurs de peur. Et il donne une peur énorme et horrible. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. Il y a aussi cette question qui vient faire peur. Qu'est-ce que tu sais de l'Qari'a? Parce que on ne peut pas connaître le comment dit l'Qari'a. Et il a répété la question pour nous montrer que la situation est énorme et difficile. Il commence à détailler ce jour, يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوتِ. C'est-à-dire ce jour, dit Al-Qari'a, de leur résurrection, les gens vont être comme les papillons. Tu vois les papillons autour du feu, comment ils sont perturbés, ils pataugent, ils vont dans tous les sens, etc. Après ils tombent dans le feu. Ainsi, quel farage ils mettent tout. Mettent tout, c'est-à-dire éparpillés dans la perturbation, dans la peur, dans le rabaissement. Watakoun al-jibal ou kal'ihni al-manfouch, c'est-à-dire que les montagnes vont être donc comme des petits flocons de laine. Ils vont aller très vite pour s'anéantir et s'aplatir et devenir comme la terre au niveau de la terre malgré leur hauteur, leur grandeur, leur énormité. Après ils deviennent comme des flocons, ils vont marcher, ils vont avoir cette marche de petits flocons de laine, hein, et pour s'anéantir et devenir comme s'aplatir comme la terre. Femme mentaqulat mawazin, quant à celui dont les bonnes œuvres l'ont pris dans la balance, les bonnes œuvres ont pris le dessus sur les mauvaises. فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ. Celui-là, il aura une vie qu'il agrée, une vie d'agrément, dans le paradis, dans l'idylisme. وَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ. Quant à celui dont c'est les péchés qui l'emportent sur les bonnes œuvres, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Sa demeure sera le feu de l'enfer. Il ira au feu de l'enfer. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. Qu'en sais-tu de ce feu de l'enfer? الْهَاوِيَةُ, c'est l'un des noms du Jahannam. Hein? Jahannam dont le feu est énorme. La chaleur est énorme. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a été rapporté des hadiths dans les authentiques musulmans, chez l'imam muslim, chez le Bukhari, et notamment celui-là rapporté par l'imam Bukhari, l'imam muslim, l'imam Malik et d'autres, le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu qui dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: le feu de Bani Adam avec lequel vous chauffez maintenant, c'est une partie de 70 parties du Jahannam. Ils ont dit à Rasulallah, celui-là, c'est-à-dire le feu que nous avons dans ce bas monde, est suffisant déjà. Il lui a dit non, l'autre, hein, il est multiplié par 70, c'est-à-dire il dépasse celui-là de 69. Et il a été rapporté par l'imam Ahmed aussi, le hadith d'Abu Huraira du prophète alayhi salatu wassalam, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens qui seront, les gens parmi les gens de l'enfer qui seront dans le châtiment, ceux qui seront au plus bas degré de, au moindre châtiment dans l'enfer, ils auront des chaussures aux pieds, hein, laquelle va bouillonner leur cerveau. Leur cerveau va bouillonner. Cela, c'est le châtiment le plus bas. Et donc, frère Allah, cette sourate qui est le Qari'a, contient le fait de croire en le jour et la confirmation de la croyance du jour de la résurrection. Que les associateurs ont rejeté et n'ont pas reconnu. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate nous parle que le qiyam à la résurrection va frapper de peur les cœurs par les événements qu'il va y avoir durant ce jour. Et les humains qui sont les plus nobles des créatures sur terre vont être perturbés, ils vont aller dans tous les sens, comme l'image des papillons. Et les montagnes, malgré leur hauteur, malgré l'énormité des montagnes, etc., ils vont être comme les petits flocons de laine qui s'envolent comme ça. Et ils s'envolent comme ça dans le ciel sans se tenir. Et donc ce jour-là, celui dont les bonnes œuvres l'emporteront sur les mauvaises œuvres, il sera épargné du feu de l'enfer. Et quand est-ce qu'on doit accomplir les œuvres? C'est aujourd'hui, frère en Allah, Zawajal, c'est pas demain, une fois qu'on y est. Là, c'est aujourd'hui qu'on doit accomplir des œuvres qui vont nous prévaloir l'agrément d'Allah et le fait d'être sauvé. Des œuvres qui émanent de la législation de Muhammad alayhi salatu salam, des œuvres dans lesquelles il y a la sincérité et le suivi du messager alayhi salatu salam. Et donc, celui dont la balance des œuvres, des bonnes œuvres l'emporte sur les mauvaises œuvres, celui-là, l'éternité, il va être dans une vie qu'il va agréer. Il va agréer toutes choses dans ce paradis, dans les jardins des délices. Et celui dont les péchés l'emportent, où il n'a pas d'études hasanat, il fait partie des associateurs et des mécréants, celui-là, sa demeure sera le feu de l'enfer, il y sera jeté sur sa tête. Le feu de l'enfer qui est la maison de la destruction, la maison de ceux qui ont perdu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et celui qui est dans le péché, qui a accompli les péchés, etc., et il fait partie des monothéistes, si Allah subhanahu wa ta'ala le châtie, par la suite, il sera, il sortira, il ne sera pas éternellement au feu de l'enfer parce qu'il est monothéiste. À un moment donné, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'aura voulu, il sera sorti. Il le sortira de là. Hein? Et le pécheur parmi les monothéistes, celui qui est dans les péchés, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala le châtie, c'est justice min Allah accomplie. Si Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, ça c'est un bienfait avec lequel il a comblé son serviteur. Al-Qari'a nous a donné une interprétation de certaines choses qui vont être le jour de la résurrection. Parce que la réalité de ce qui va être le jour de la résurrection, les raisons ne peuvent pas le capter maintenant. C'est énorme. Donc dans Al-Qari'a, on a une explication de certains aspects. Non pas la réalité de ce qui va arriver parce qu'on ne peut pas le capter avec nos raisons. Mais il y aura la certitude une fois qu'on sera le jour de la résurrection et qu'on sera déjà dans notre tombe. On aura la certitude sur tout ça. Mais faut-il avoir la certitude maintenant en étant vivant et œuvrer comme il se doit et comme l'implique cette certitude sur la résurrection et sur la récompense et le châtiment qui va en découler? Qu'est-ce qu'on retient de la sourate? Premièrement, la confirmation comme quoi il est obligatoire de croire en la résurrection. Et dedans, dans cette sourate, il y a certains aspects de la récompense ou du châtiment. Donc il est obligatoire de croire en la résurrection et qu'il va y avoir les comptes, qu'il va y avoir les récompenses ou le châtiment. Deuxièmement, on retient Dans cette sourate, il contient l'avertissement des événements qui font peur du jour de la résurrection et l'avertissement du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, auquel il faut faire très attention. Il faut retenir de cette sourate cet avertissement pour pouvoir se préparer et œuvrer comme il se doit. Aussi, dans cette sourate, il est confirmé pourquoi il faut croire irréfutablement que les actes, les bonnes œuvres vont être pesées, ainsi que les mauvaises œuvres, il va en découler la récompense. Et aussi, il confirme dans cette sourate que les gens, le jour de la résurrection, sont deux groupes. Le groupe du paradis et le groupe de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et tout ceci découle de nos actes. Et ce que nous avons fait. Donc frère en Allah Azza wa Jal, ce Coran est très important. Dans ce Coran, il faut le méditer, il faut le comprendre. Et quand on est dans notre prière, il faut comprendre ce qu'on est en train de dire. Comme l'était notre messager alayhi salam et ses nobles compagnons radhiyallahu anhum. Il méditait ce qu'il disait. Hein? Et comme il a dit, Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayh, concernant l'interprétation de Surat al-Fatiha, quand il a dit, quand on arrive, à guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, il a dit ici, il faut comprendre ce qu'on est en train de dire, et ce qu'on est en train de demander. On est en train de demander d'être avec les prophètes alayhi salam, et avec les vérités qui ainsi de suite. Et il est évident, frère en Allah, Azza wa Jal, celui qui se donne la peine de comprendre, et qui s'impose cette compréhension qui vient des purs ayeurs d'Allah, Il est évident, s'il est imbibé de cette compréhension, et si cette compréhension remplit son cœur, il doit œuvrer, et ça doit le pousser à œuvrer comme il se doit, pour s'éloigner du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous accomplisse sur la bonne voie, et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que notre fin soit meilleur que notre début. Et nous arrêtons là pour cette séance, inshallah. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu likum jazakum Allah khairan.